Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui était, je le mentionne du début, en filigrane dans ma thèse, mais qui n'était pas en effet mon point d'entrée sur mon, parce que je travaille sur un groupe religieux musulman. Mais j'ai essayé de cadrer par rapport au thème de ce congrès. Donc je vais présenter un travail qui s'intitule Propriété sociale évolutive, disposition et expérience de foi dans une institution religieuse. Et pour cela, je vais passer par le parcours d'un oblat turc à l'épreuve des mobilités. Je vais expliquer ce que j'entends par là, au sein du mouvement musulman de Fethullah Gülen. Donc, quand je parle de mobilité, je vais essayer d'examiner aujourd'hui les mobilités au sein du mouvement Gülen, qui sont des mobilités à la fois géographiques et sociales, et je vais montrer dans quelle mesure elles se recoupent, et la manière dont elles influencent le rapport aux religieux, et notamment aux groupes religieux, à l'institution religieuse qui est le mouvement Gülen, que les fidèles. Des fidèles. Donc le mouvement Gülen, c'est un groupe musulman turc dont les activités se déploient, donc originaire de Turquie, qui est apparu à la fin des années 60, début des années 70, et dont les activités se déploient à l'international, et notamment en Afrique subsaharienne, dans les domaines de l'action sociale et plus particulièrement de l'éducation. En effet, à partir de la fin des années 90 en Afrique subsaharienne, des fidèles turcs ont établi des écoles privées d'élite dans ces pays. Ces fidèles turcs, qui sont approchés par l'institution religieuse au cours de leur adolescence en Turquie, partent à travers le monde pour établir donc ces structures, donc, parmi lesquelles des écoles, d'autres structures dont je ne parlerai pas ici. Ces hommes et ces femmes parcourent le monde entier pour accomplir ce qu'ils appellent l'hizmet. Donc hizmet, c'est le service altruiste, en fait, littéralement en turc. Hein, c'est un mot qui... Hizmet etmek, c'est rendre service, c'est-à-dire être au service d'eux. Et c'est le nom que donnent ces fidèles au mouvement. Donc ils ne parleront pas eux-mêmes de mouvement Gülen, ils parlent de Hizmet pour qualifier leur groupe. Cette intervention s'appuie sur donc une enquête de terrain multisituée que j'ai menée au cours de ma thèse que j'ai terminée en fin 2017, en Afrique du Sud, au Kenya, au Sénégal et en Turquie. Au cours de cette enquête, donc j'ai effectué des observations participantes auprès des observations participantes dans les familles de ces missionnaires, dans les écoles ouvertes par ces missionnaires en Afrique subsaharienne, et un certain nombre, enfin des dizaines d'entretiens axés notamment sur les trajectoires biographiques des individus qui ont quitté la Turquie pour se rendre en Afrique dans ces différentes écoles. Donc pour suivre un peu cette trajectoire de mobilité, j'ai décidé pour ce papier de me focaliser sur trois moments en fait, de la mise en récit que font les fidèles du mouvement Gülen de leur propre vie et de leur rapport à l'institution religieuse. Donc d'abord leur entrée dans l'institution, ensuite la mise en forme, le moment de l'expression d'une vocation d'enseignant missionnaire, et dans un dernier temps la perception de leur expérience en Afrique et notamment de leur position dans cette expérience en Afrique. Donc dans un premier temps, en ce qui concerne le recrutement, ça va être ce point, la manière dont la mise en récit des recrutements est un point d'entrée pour examiner les dispositions en fait, qui permettent à certains individus et pas à d'autres en Turquie de se rapprocher du mouvement Gülen, comme j'ai dit, au cours de l'adolescence, hein, puisque tous les missionnaires que j'ai interrogés, donc il y en avait une soixantaine, avaient rencontré le mouvement Gülen entre leurs 10 ans et leurs 19 ans. Ou leurs 18 ans. Donc c'était tous au cours de leurs études secondaires. Donc il s'agira ici de voir les dispositions des individus qui ont pu faciliter leur accès au mouvement Gülen, d'autant plus que le mouvement Gülen est un groupe religieux clivant en Turquie, c'est-à-dire qui suscite beaucoup de méfiance. Et donc il faut voir pourquoi certains y entrent petit à petit. Donc... Pour citer Lagroix et Siméan, dans le cadre d'habitus compatibles, leur socialisation peut ainsi guider des individus vers des institutions dont ils savent ou anticipent qu'elles leur ouvriront la possibilité de pratiques dont le contenu en soi pourrait être vécu comme valorisant, et en même temps une position valorisée dans certains espaces sociaux. Donc pour ça, je vais me baser sur le... En fait, c'est l'oblat... Enfin, je vais vous expliquer ce à quoi ça se réfère, mais je vais suivre particulièrement la trajectoire biographique d'un individu. En fait, j'ai resserré mon papier a posteriori. Donc, qui est Mesut, qui est c'est anonymisé, évidemment, puisque le mouvement est très fortement réprimé en Turquie actuellement. Donc il y a un homme turc né en 1969 en Anatolie, dans un village d'Anatolie, qui a été rencontré, que j'ai rencontré à Dakar, donc au Sénégal, et qui est désormais un des cadres du mouvement Gulen dans ce pays. Donc je lui pose la question, quel a été votre premier contact avec l'ISMET, hein, j'emploie la catégorie de pratique qu'ils emploient, donc ISMET. Donc il me répond, je suis issu d'une famille très pauvre, mon père était alcoolique et ma mère très faible moralement, c'est la formule qu'il emploie. L'ISMET m'a pris et m'a mis dans un yurt, donc le yurt c'est un foyer universitaire tenu par des fidèles du mouvement, en Turquie. Ça s'est fait par un oncle qui m'y a amené. À partir de mes 15 ans, j'étais en 3e. Et ce sont eux qui m'ont logé, pour rien, m'ont éduqué. J'ai alors passé mon diplôme d'enseignement en anglais. Crois-le ou non, mais dans ma famille, sur 3 frères, un est devenu procureur, un à la police, et moi, de par le monde. Et il rit. Alors que ma mère est illettrée. Ça, c'est grâce à l'ISMET que ça a été possible. Donc ce profil, on va revenir sur la mise en récit qui en est faite, correspond à des trajectoires d'enfants ou de jeunes adultes issus de familles pauvres qui accèdent aux études grâce à une prise en charge par le mouvement Gulen. Il est à rapprocher des oblats de l'Église catholique, tels que décrits par Bourdieu et Saint-Martin, ceux qui, je cite donc, voués et dévoués à l'institution, estiment tout lui devoir. Des jeunes gens d'origine populaire, insérés tôt dans l'institution, et qui acceptent de s'y dédier car ils sentent qu'ils lui doivent leur vie. Cela établit donc un sens de la redevabilité, que Mesut lui même formule en soulignant la réussite de sa fratrie, qui s'est insérée dans les 3 domaines professionnels qui sont rois dans le mouvement Gulen, non, ça je reviendrai dessus, mais en fait il y a la justice, la police, la justice et l'enseignement. C'est quelqu'un, pardon. La police, la justice et l'enseignement sont les fonctions reines dans le mouvement Gulen, c'est-à-dire les fonctions les plus valorisées au sein du mouvement et dont on pousse les jeunes fidèles à occuper un poste dans un de ces 3 secteurs. Et donc il dit que tout ça c'est grâce à l'ISMET, ISMET-in Sayesinde. De plus, les parents de Mesut, hein, on note, sont présentés comme faibles moralement, et ce qui permet de contraster avec le compagnonnage stable et sûr qu'offre le mouvement Gulen à Mesut depuis son enfance et jusqu'à aujourd'hui. Hein, il avait 45 ans au moment où je l'interrogeais et était toujours inséré dans ce mouvement. Une autre chose qui apparaît dans ce témoignage, c'est que l'accueil proposé par le mouvement Gulen peut constituer un recours pour les enfants issus de milieux populaires. En effet, le mouvement propose des logements peu coûteux pour les étudiants, qui sont les yurts ou les Eshek Evleri, donc soit les dortoirs, soit les maisons de lumière, aux élèves et étudiants. Il propose des bourses en fait, pour ces institutions privées, pour les élèves serviables qui assistent en plus aux services religieux après les cours. Donc en fait, le mouvement Gulen, c'est aussi une... Enfin, c'est un acteur... En fait, c'était jusqu'à 2016, même un peu avant, l'acteur privé le plus incontournable en Turquie de l'éducatif. Et donc, rentrer dans le mouvement Gulen en étant pris en charge, c'était aussi accéder à la possibilité de faire des études pour un certain nombre d'individus, hein, dont Mesut, qui n'auraient sans aucun doute pas pu poursuivre leurs études s'ils n'avaient pas été, comme il le dit, recueillis par le mouvement Gulen. Il est intéressant de noter l'usage de formules passives dans le récit que développe Mesut et dans le récit de dizaines d'autres individus au même profil que j'ai interrogé, hein, qui proviennent de milieux modestes. Le mouvement les a pris ou sortis de leur contexte, dépeint comme misérables, les a mis dans des logements, les a éduqués, les a sauvés, hein, ça c'est dans d'autres entretiens que j'ai menés, d'une trajectoire de voyous, hein, ça c'est encore d'autres entretiens, qui se dessinaient pour eux. Donc ces récits, a posteriori évidemment, hein, de la trajectoire d'engagement, se font donc en forme de remise de soi de l'individu à l'institution. En outre, les récits recueillis, donc là j'avais d'autres témoignages que j'ai pas pu mettre parce que j'ai décidé de me centrer sur un seul, d'autres récits recueillis révèlent l'importance de dispositions religieuses des futurs militants du mouvement. En Turquie, en effet, hein, comme je l'ai dit déjà brièvement, les structures éducatives et para-éducatives du mouvement Gulen, si elles ne portent jamais le nom de mouvement Gulen, sont pourtant identifiées très largement par le public comme appartenant ou non à ce groupe religieux. Il est difficile d'ignorer que tel établissement est lié à ce groupe religieux. Dès lors, les familles conservatrices choisissent, hein, souvent d'envoyer leurs enfants pour des raisons de bonne moralité, étant au moins donc, disons, sympathisants de l'action du mouvement Gulen, ou alors ayant une tolérance pour l'action du mouvement Gulen, ce qui a un premier effet clivant, c'est-à-dire autant on peut voir des parents des familles non religieuses acceptaient de mettre leurs enfants dans les écoles du mouvement Gulen, autant des familles revendiquant une posture notamment kémaliste, etc., vont refuser absolument, de manière intransigeante, que leurs enfants se rapprochent de quelconque institution réputée appartenir au mouvement Gulen. Donc il y a un effet de tri, en fait, de base, qui se fait très tôt. Hein. Donc en ce qui concerne les familles qui sont bien disposées à l'égard de la dimension religieuse de ce groupe qui tient les institutions, donc sachant que les écoles hein, ne sont pas religieuses, que les cours du soir ne sont pas religieux, hein, donc le contenu qui va être directement enseigné aux enfants ne sera pas religieux. Par contre, on sait que c'est tenu par des fidèles. Donc voilà. Et donc, ils ont, ça rassure un grand nombre de parents par le conservatisme moral qui est supposé y régner. Hein. Les cours du soir de Mouvement Gulen, par contraste avec d'autres cours du soir privés, sont réputés très sérieux. On sépare les hommes et les femmes, enfin les enfants, garçons et filles. Il y a une discipline qui est réputée plus forte, etc. Donc, c'est un tri qui se fait a priori. Et en Turquie, les milieux bien disposés, disons, à l'égard du mouvement Gulen, les milieux religieux, sont largement issus des classes moyennes et inférieures, hein, structurellement, sociologiquement en Turquie. Et en ce qui concerne le mouvement Gulen, en plus, les milieux d'origine ruraux, c'est-à-dire les enfants issus des campagnes anatoliennes, sont surreprésentés. Et ça, c'est dû au fait que pour beaucoup de familles... de familles pratiquantes qui vivent dans les villages, la condition sine qua non pour laisser leurs enfants partir à la ville faire des études, c'est qu'ils rentrent dans des structures du mouvement Gulen. C'est-à-dire que là, on est sûr que au moins ils vont être surveillés, etc. Donc sinon, on les laisserait pas partir à la ville. Donc pour le cas de Mesut, vous voyez, sa famille, ses parents ne sont pas pratiquants, clairement, mais c'est son oncle, hein, qui était lié au mouvement Gulen, qui participait à des cercles de lecture dans son village, qui l'a sorti de sa misère, tel qu'il le dit, et l'a amené dans les dortoirs du mouvement Gulen. Donc là, je ne vais pas détailler, puisque j'ai décidé de prendre 3 temps, en fait, des trajectoires, mais simplement pour faire la liaison. Une fois approché par l'institution, donc une fois ce premier contact établi, donc comme j'ai dit, que ce soit par les dortoirs, par les maisons de lumière, par l'école, par les cours du soir, les jeunes vont être insérés peu à peu dans un certain nombre de structures hein, du mouvement Gulen, puisque il y a des structures pour à peu près tout, hein, pour dormir, pour étudier, pour aller faire des activités extrascolaires, etc., qui vont constituer un maillage social qui va peu à peu englober l'existence des individus. Hein, l'école, l'endroit où on dort, les amis, le logement étudiant, les activités extrascolaires. Donc au sein de ce dispositif totalisant qui va être proposé, dans lequel les jeunes vont s'insérer naturellement peu à peu au cours de leur adolescence, va leur être transmis des cadres cognitifs et qui vont créer des nouvelles dispositions liées à l'idée de ce qu'est la bonne conduite musulmane et qui va permettre donc l'incorporation de nouvelles dispositions. Notamment celle du désintéressement, hein, le désintérêt qui est aussi lié à l'idée que l'individu est secondaire par rapport au groupe. Alors ça, je ne détaille pas, mais il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de faire saisir ça. Par exemple, dans les logements, les enfants sont changés tous les 1 ou 2 ans. Enfin voilà, c'est l'histoire que c'est la structure qui la famille de l'institution abstraitement prévaut sur le lien interpersonnel, par exemple. Donc c'est des choses qui permettent d'assimiler peu à peu au fil des années hein, l'idée que le groupe prévaut sur l'individu, que l'institution est la nouvelle famille, hein, on parle de grands frères et de grandes sœurs pour les guides spirituels, le Habi, le Habla, donc il y a une nouvelle famille qui va être proposée, hein, et à l'inverse, les liens familiaux sont, disons, biologiques, enfin, sont pas entretenus, hein, puisqu'on englobe les enfants dans de plus en plus d'activités. Et d'autres idées telles que celle de la docilité à l'institution, l'idée du travail acharné, hein, enfin ils travaillent des nombres d'heures pas possibles dans leur logement. Donc vous voyez, voilà, pour incorporer de nouvelles dispositions qui vont ensuite permettre à l'institution de continuer à fonctionner quand ces individus seront adultes. Donc quelques années plus tard, hein, donc là on est passé disons de leur adolescence au moment où ils arrivent vers 18-20 ans, où ils vont choisir leur futur professionnel. Ces individus vont être amenés à faire le premier pas vers une carrière proprement militante, hein, qui était passive jusqu'à présent, hein, qui était préconstituée déjà par cette phase-là, mais là c'est leur premier pas actif, vers la formulation d'une carrière militante. Donc cette première étape, dans cette deuxième étape, donc disons vers la vingtaine à peu près pour ces individus, quand ils ont à peu près 20 ans, c'est l'orientation dans les études. D'abord le choix de l'orientation scolaire, universitaire. Donc cette orientation universitaire, étant donné qu'elle conditionne l'horizon des futurs possibles, hein, qui va s'ouvrir aux individus, est souvent présentée par les enquêtés comme la première étape qui marque le début d'une vie missionnaire ponctuée de sacrifices. Beaucoup disent, bon alors là ça a été difficile de me décider, mais je me suis dit que pour le mouvement il fallait que j'étudie telle chose ou telle chose car je serais plus utile. Vous voyez, c'est formulé aussi comme la première étape d'un long processus de sacrifice dans l'existence, hein, qui est aussi une valeur extrêmement valorisée dans le mouvement Gulen, hein, le fait d'acharlek, le sacrifice de soi, qui est une valeur très, une vertu très reconnue au sein du mouvement. Donc pour le missionnaire en herbe, hein, il n'y a pas de contraintes directes, hein, donc je ne dis pas, l'institution Gulen ne leur dit pas vous étudiez directement ça, enfin, dans certains cas oui, mais la plupart du temps non. Mais il y a des incitations du habit ou du halabla, donc le grand frère ou la grande sœur qui est donc ce guide, qui est en général âgé de quelques années de plus, hein, donc quand la personne a 18 ans, il a 20 ans ou quelque chose comme ça, c'est seulement un aîné, et qui en général suit les enfants depuis quelques années, pendant 3-4 ans, ils ont même grand frère ou grande sœur. Et donc il va les inciter à faire un choix, auquel ça s'ajoute évidemment le sentiment de redevabilité, hein, qui est très fort et très fortement exprimé par beaucoup des oblats du type de Messout. Et donc ils vont les pousser à faire des choix d'études. Donc au sein du mouvement, il y a trois voies principales vers lesquelles les jeunes adultes sont orientés. Donc vous avez bien vu, c'est indirect, mais pour autant qu'il y a disons qu'il y a trois types de secteurs qui sont valorisés dans le mouvement, trois types de métiers particulièrement valorisés, et le grand frère et la grande sœur le soulignent bien. Donc la fonction publique, particulièrement la police et la justice, les affaires et l'enseignement. Donc je passe sur fonction publique et les affaires, puisque c'est pas l'objet de mon propos ici pour l'instant. Je vais expliquer pourquoi certains se dirigent vers... La fonction la plus valorisée en termes religieux, donc les personnes réputées les plus pieuses au sein du mouvement, hein, le prestige, le plus grand sacrifice, c'est la mission d'enseignement. Hein, c'est l'enseignant missionnaire, la figure du héros qui parcourt le monde. Puisque c'est, d'après les textes de Fethullah Gulen, donc le maître de ce groupe, c'est l'éducation qui doit permettre l'arrivée sur Terre de la génération dorée. Donc c'est par ces éducateurs qui vont partir dans le monde entier qu'on va créer un nouvel homme et donc dépasser cet état de décadence de notre société, civilisation contemporaine. Donc qui sont les jeunes qui, pourquoi on choisit cette voie-là plutôt qu'une autre? Alors c'est une question sur laquelle je me positionne pas de manière absolument définitive. Parce que de fait, moi j'ai suivi plus les enseignants, donc j'ai reconstitué un peu par contraste ce qu'elles étaient les autres voies. Mais les choses que je peux dire pour autant, et ce dont je suis sûre et certaine, c'est que les enfants issus de familles d'hommes d'affaires et de commerçants sont eux incités à poursuivre dans cette voie. Donc on les incite à faire des études de management ou d'économie pour faire fructifier l'entreprise familiale. Et ça c'est une côté aussi, sur le plan institutionnel, il y a une logique, c'est avoir des ressources, hein, qui vont se reproduire, c'est-à-dire les soutiens financiers du mouvement, que les enfants d'entreprises qui soutenaient déjà puissent continuer à financer le mouvement, et donc en grandissant, financent encore plus le mouvement. C'est leur modalité d'action, ça s'appelle l'IMET, donc c'est par le don financier qu'ils font leur travail, l'ISMET. Ils rendent service par leur don financier. En ce qui concerne, donc il y a d'un côté voilà, les enfants d'hommes d'affaires, ceux qui sont déjà au moins des parents, qui a une entreprise, etc., donc eux sont tout à fait poussés à la reprendre. De l'autre côté, les meilleurs élèves à l'école sont orientés vers les métiers de la fonction publique, la magistrature ou la justice. Hein, on les pousse, on voit qu'ils excellent dans leurs études, donc on les pousse à continuer. Que ce soit en Turquie ou aux États-Unis, puisque Fethullah Gulen est exilé aux États-Unis, donc disons que les meilleurs, la crème de la crème intellectuelle va soit dans les institutions reines de mouvement Gulen en Turquie, soit dans la fonction publique, soit travailler auprès de Fethullah Gulen directement. Donc reste la troisième voie qui est le gros du contingent, hein, des jeunes qui restent engagés dans le mouvement Gulen à l'âge adulte. Il semblerait que ce sont les individus les plus loyaux, les plus pieux, qui sont incités à partir en tant qu'enseignants missionnaires. Par exemple, une des choses qui permet de dire ça, c'est que en fait, les individus sont testés avant leur départ en Afrique subsaharienne. Ils ont des entretiens avec d'autres grands frères et grandes sœurs, d'autres institutions un peu plus importantes en Turquie, qui vont notamment essayer de tester leur résistance. Hein. Alors, ils me parlaient de choses apocalyptiques. On leur disait, oui, si t'as pas d'eau pendant 10 jours, est-ce que tu peux tenir, parce que l'Afrique c'est très dur, donc ils sont un peu est-ce que tu es prêt, pourquoi tu es prêt à faire ça, donc on essaie de voir si leur foi va résister à des épreuves extrêmement difficiles, ce qui est évidemment pas du tout le cas de leur existence concrète, mais eux sont mis dans cet état d'esprit sacrificiel du départ vers l'Afrique. Ok. D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tous ces individus vont... Voilà, par exemple, Mesut, hein, il passe un diplôme d'anglais, hein, qui est valorisé, puisqu'ils peuvent enseigner dans les écoles à l'étranger, sur les conseils de son grand frère, enfin, de son grand frère spirituel, et souligne le besoin d'agir. Hein. Donc, il y a l'idée d'une vocation, d'une nécessité, qu'il y avait une vocation d'enseignant, etc., qui se reconstruit a posteriori. Voilà. Donc, là, pour éclaircir, hein, je me positionne dans la littérature de Charles Suau sur la vocation. Il interprète la vocation comme la rencontre de la subjectivité des individus, de leur position sociale et des nécessités de l'institution. On voit bien comment dans le récit se fait une mise en ordre symbolique des récits de vie en forme de biographie religieuse, hein, qui évidemment, quand on discute plus, n'est pas tout à fait ajustée. Évidemment qu'il y en a un qui voulait étudier autre chose, etc. Mais ça, voilà, dans le récit qui est fait de soi, il y avait l'idée d'une vocation qui a émergé et que tout donnait sens à la vie. Troisième temps, donc ultime temps de ce raisonnement, le moment africain de ces personnes donc, qui ont exprimé leur vocation et sont parties. Donc, comme j'ai dit, le sacrifice de soi est central hein, dans ce qui est perçu comme la bonne conduite, la conduite éthique au sein du mouvement Gulen, donc le plus valorisé. Et ce qui est très intéressant, c'est la manière dont... Nonobstant les conditions objectives de leur existence en Afrique subsaharienne, ce discours va se reconfigurer, peu importe les paradoxes de leur position objective par rapport à la perception subjective qui en est. Et ainsi, ils parlent tous d'un sacrifice immense de partir en Afrique subsaharienne, notamment. Ils soulignent le sacrifice en termes de qualité de vie hein, qu'ils ont effectué. Pourtant, la mise en récit que font les individus en mission des sacrifices qu'ils ont consentis tranche avec leur position sociale d'origine en Turquie, ainsi qu'avec leurs conditions objectives de vie en Afrique subsaharienne. Oui, donc je vais passer là-dessus. Simplement pour dire que les conditions sociales objectives d'existence des jeunes recrues en Turquie, qui, comme je l'ai dit, étaient pour la plupart issues de milieux populaires, venaient d'Anatolie, pouvaient faire, je l'avais dit, du mouvement Gulen une ressource pour accéder aux études supérieures. Donc c'est un instrument de promotion sociale par l'accès qu'il facilitait aux études. Et dans ce cas-là, évidemment, le coût de l'engagement pour les individus provenant de ces milieux est compensé par la promotion sociale importante obtenue. En outre, ce qui est très intéressant, c'est que dans leur présentation d'eux-mêmes, hein, ces missionnaires n'arrêtent pas de souligner le sacrifice professionnel qu'ils ont pu faire, étant donné le fait qu'ils aient fait des études. Ça participe en fait d'une représentation qui est reprise par beaucoup d'auteurs ayant travaillé sur le mouvement Gulen, et donc contre lequel j'ai essayé de montrer que c'était faux. Comme un mouvement d'élite dont les membres sont prêts à tous les sacrifices. Hein. C'est le message véhiculé. Sauf que, objectivement, quand on regarde, en fait, c'était des gens qui ont en effet des diplômes universitaires, grâce notamment à ce que leur a permis le mouvement Gulen, mais des diplômes universitaires de second rang, ils ont des niveaux de licence dans des universités soutenant secondaires. Et que les meilleurs, ceux qui sont, car il y en a scolarisés dans les meilleures universités et qui ont eu des diplômes de master dans les meilleures universités turques, ceux-là ont obtenu en Afrique ou en Turquie, les postes les plus prestigieux au sein du mouvement Gulen. Donc il y a une sorte de redistribution, hein, les meilleurs restent aux positions les plus prestigieuses, et que pour les autres, il y a une promotion sociale, c'est-à-dire que le sacrifice n'est pas si évident qu'il ne le présente en premier lieu. D'autant plus que, en fait, évidemment, que les rétributions symboliques, elles doivent toujours être pensées relativement au contexte dans lequel on s'inscrit, et dans le contexte géographique africain. Leur niveau de vie qui est modéré, hein, ils ont un salaire à peu près de 1 200 $ par mois, ils ont des primes, ils ont la sécurité sociale turque, tranche très fortement avec le niveau de vie moyen au Sénégal. Hein. Et par exemple, les Turcs au Sénégal sont appelés les 4-4. Vous voyez bien le décalage par rapport à... Donc les commerçants du quartier appellent les 4-4, c'est les gens du mouvement Gulen qui arrivent aux écoles. Alors qu'eux, ils ont l'impression d'être dans le sacrifice ultime, de vivre l'aventure terrible. Donc ce qui est intéressant, c'est de travailler sur cet écart de représentation en prenant au sérieux la parole, évidemment, et voir comment... voilà, c'est sur cet entre-deux qu'il faut que l'analyse doit se porter. En outre, j'ai un dernier point, si c'est possible, de 2 minutes. Je ne ferai pas de conclusion. Ok. Donc en outre, des individus, donc j'ai montré que ceux qui avaient déjà les meilleurs diplômes obtenaient des positions importantes, que ce soit en Turquie ou en Afrique subsaharienne. En outre, des individus les plus modestes et qui font pas forcément des études remarquables, tels que Mesut, qui a obtenu un diplôme d'université en anglais, en licence d'université, je crois, moyenne, de banlieue stambouliote, peuvent progresser au sein du mouvement en acquérant des combinaisons de capitaux qui sont valorisées au sein du mouvement Gulen, des savoir-faire et des savoir-être, mais aussi un dévouement qui les distingue des autres et leur assure le respect de leur père. En effet, l'institution Gulen, elle est extrêmement autoréférencée, c'est-à-dire la promotion, on est promu parce qu'on travaille très bien dans l'institution. Les ressources extérieures sont très peu valorisées. Et ce qui est valorisé particulièrement, donc là c'est la suite de la trajectoire de Mesut, hein, toujours le même bonhomme, qui est parti donc enseigner l'anglais après ses études d'anglais, donc poursuivre son habit pour qu'il serait prêt à tout faire. Ensuite il rentre enseigner dans une école privée du Mont Gulen en Turquie. Ensuite il part 8 ans au Mali. D'abord comme enseignant, puis en tant que directeur. Donc vous voyez là, il monte les échelons en fait au fur et à mesure. Il arrive au Sénégal, il est enseignant d'anglais, puis devient le directeur d'une plateforme de dialogue interreligieux. Il est aussi coordinateur média pour l'ISMET, pour le mouvement en Afrique de l'Ouest. Et il a commencé un doctorat depuis quelques années en sciences de l'éducation. Et donc ça, c'est-à-dire que les personnes les plus dévouées, et notamment en fait, c'est en passant par l'enseignement qu'on peut obtenir une promotion au sein du mouvement Gulen, hein, c'est en montrant son dévouement absolu qu'on peut ensuite obtenir des postes, et pas seulement dans les structures éducatives du mouvement Gulen, mais dans toutes les structures qui appartiennent au mouvement Gulen. Et en général, c'est des individus multipositionnés qui en fait permettent aussi de maintenir la cohésion du mouvement Gulen sur place au Sénégal, par exemple, puisque donc le mouvement Gulen a des écoles, mais a des associations d'hommes d'affaires, a des médias, a des universités, etc. Et donc tout ça, c'est coordonné par ce genre d'individus qui ont obtenu leur promotion par leur dévouement au sein du mouvement Gulen. Les deux en fait, qualités qui sont les deux compétences en fait, qui permettent ces promotions sociales, c'est des compétences donc, qui sont propres au mouvement et qui sont valorisées au sein du mouvement. C'est le réseau social important. Hein, c'est ce qui est dit. Il faut connaître des gens pour pouvoir avoir. J'ai eu ce poste parce que depuis des années, en tant qu'enseignant, j'ai connu des parents d'élèves, des élèves qui depuis sont diplômés. Donc c'est tout le réseau social en Turquie et en Afrique subsaharienne. Et les compétences managériales qui sont propres au mouvement, hein, c'est la capacité d'organiser par exemple des groupes de discussion religieuse, la capacité d'organiser des journées de commerce entre la Turquie et l'Afrique subsaharienne dans les écoles, etc. Donc c'est des compétences propres au mouvement qui permettent l'ascension sociale. Voilà. Je conclue brièvement. En repérant donc socialement les dispositions de certains jeunes au dévouement, au sacrifice de soi, et par le fonctionnement extrêmement autoréférencé, l'institution permet la promotion sociale de ces oblats qui passe notamment, une mobilité sociale qui correspond à une mobilité géographique. Hein. Pour monter dans le mouvement Gulen, il faut partir dans le monde entier pendant des années. C'est un parcours obligé d'expatriation. Et donc, en dernier point, ce qu'il faut tout de même mentionner, c'est que l'ajustement et le réajustement des dispositions à l'institution permettent d'expliquer l'entrée dans le mouvement, permettent d'expliquer en partie son maintien, mais pas exclusivement. C'est aussi que le mouvement Gulen, donc ça, j'en parlais pas ici, et là, je reprends une formule de Lagroix et Siméan, et permet de maintenir l'engagement dans la mesure où on appartient à ce groupe pour ce qu'on peut y trouver et en faire, et pour les espaces de réalisation de soi qu'elles ouvrent. Le mouvement Gulen, il a su, pendant des années en tout cas, donner sens à la vie d'individus par le mariage, par les réseaux amicaux, par les activités associatives, qui a englobé totalement l'existence et donc rendait le coût psychologique et financier et symbolique du départ du mouvement Gulen extrêmement lourd, ce qui fait que les fidèles sont... en fait, il y a un très faible nombre d'exit au sein du mouvement Gulen, en tout cas avant la crise très grave que traverse le mouvement. Je vous remercie.